الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس لقد يسر الله لنا من مواسم الخيرات وأشهر البركات نزداد فيها من الطاعات ونتوب فيها من الزلات والسيئات وها نحن أمام شهر كريم شهر مبارك ليس كغيره شهر مبارك أو شهر مبارك وضيف حبيب إلى نفوس المؤمنين خصه الله بخصائص عظيمة لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه ويبين لهم فضائله حثا لهم على الاجتهاد فيه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر رمضان قد جاءكم فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد فيه الشياطين فهذا الشهر يا عباد الله ليس كغيره فرصة كبيرة وما ندري هل هي ستعود علينا أو نموت قبلها فالواجب الفرح بقدومه لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان هو شهر القرآن وقد أمر الله بالفرح بهذه النعمة فقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وإن الفرح بهذا الشهر بقدر معرفتنا بفضائله ومكانته في الإسلام فمن الأمور المعينة على النجاح في هذا الشهر المبارك معرفة فضائله وغالبا الذين يضيعون هذا الشهر بسبب جهلهم بفضائله وهنا سؤال مهم جدا وهو كيف نستقبل شهر رمضان كيف نستعد لصيامه وقيامه كثير من الناس يستعدون له بجمع المأكولات والمشروبات وترى المرأة تظل نهارها في المطبخ وهذا تصور خاطئ لهذه الشريعة العظيمة فأول ما نستعد به لهذا الشهر المبارك النية الطيبة النية الطيبة كن عظيما على صيام رمضان متى جاء وقل لنفسك سأجتهد سأجتهد في طاعة الله في هذا الشهر المبارك، لا تصوم عادة ولا رياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله، أي لأجل الله خالصا لوجهه الكريم. فمن صام رياء لم يصم في سبيل الله، ومن صام عادة لم يصم في سبيل الله. الأمر الثاني: التوبة من جميع الذنوب. وقد علق الله الفلاح بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا تدخلوا في شهر رمضان وأنتم وقد أثقلكم الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عباد الله، من أراد أن يستفيد من هذا الشهر فعليه أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف نستفيد من شهر رمضان والقلوب ذات سواد؟ فلنتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الاعتقادات الفاسدة والأقوال السيئة والأعمال الخبيثة. وكلنا ذو تقصير. الأمر الثالث: الدعاء والاستعانة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر الاستعانة بعد العبادة، لأننا لا نستطيع أن نتعبد لله إلا بعد عون منه وتوفيق منه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالعبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى، ضعيف بنفسه، قوي مع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الأمر الرابع: محاسبة النفس. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فقد مر بنا هذه السنة، فعلينا أن نفتش في أنفسنا ماذا فعلنا وماذا عملنا في هذه السنة الماضية. الأمر الخامس: طلب العلم والتفقه في أحكام رمضان. فقه الصيام أمر مهم، ومعرفة فضائله كما سبق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فلا شك أن من علم مثل هذه الفضائل سيستعد لرمضان، فهذا جزاء الصائمين القائمين لله رب العالمين. الأمر السادس: إصلاح القلوب وتصفيتها من الرياء والشرك والحسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسج الجسد كله ألا وهي القلب. وأمر عظيم نختم به لأنه قد غفل عنه الكثير ويظنه البعض هين وهو عند الله عظيم، وهو التسامح فيما بيننا وإصلاح ذات البين والأخوة. لا تقبل على رمضان وفي قلبك شيئا على إخوانك، فما كيف تستفيد من شهر رمضان وتحمل في قلبك الحقد على إخوانك المسلمين؟ كيف تستفيد من شهر رمضان وقلبك مشغول بغير الله سبحانه وتعالى؟ وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان، فأجاب يعني فيما معنى كلامه بفراغ القلب عن كل حقد على إخواننا. فعلينا أن نتسامح فيما بيننا وأن نحقق هذه الأخوة الإيمانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بشهر كريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، خير من صام وقام وعبد الله سبحانه وتعالى. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité de grandes occasions afin que nous puissions l'adorer sincèrement d'un culte sincère, augmenter notre bonnes actions, nous repentir de nos manquements. Et nous voici devant un mois qui est le meilleur mois de l'année, le mois de Ramadan. C'est un mois qui est béni, un invité sacré. Et Allah subhanahu wa ta'ala a doté ce mois de nombreux mérites et de nombreux bienfaits pour la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle à ses compagnons lors de la venue de ce mois. Et il leur disait, voici le mois du Ramadan qui vous est venu. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées, et on y enchaîne les démons. Donc ce mois n'est pas comme les autres. C'est une occasion en plus de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous voir pardonner nos péchés, d'augmenter nos bonnes actions et de lui demander pardon pour nos manquements. Nous devons donc nous réjouir de ce mois. De plus, sachez que ce mois est le mois durant lequel le Coran a été révélé la première fois. Le Coran al-Karim a été révélé durant le mois de Ramadan. Et Allah nous ordonne dans le Coran de nous réjouir du Coran en nous disant, dit, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent. De cela qu'ils se réjouissent, c'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire comme richesse dans ce bas monde. Et la grâce d'Allah ou sa miséricorde, c'est le Coran ainsi que l'Islam. Et une des choses qui va t'aider à tirer profit et à te préparer pour accueillir ce mois, c'est la connaissance de ses mérites. La connaissance des grandes récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparées pour ceux qui vont jeûner ce mois et réussir durant ce mois. Et la plupart des gens qui échouent dans ce jeûne, ou la cause de l'échec de la plupart des gens durant ce mois, est due à leur ignorance des mérites et des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ceux qui jeûnent, comme Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Et ici, une question importante que nous devons nous poser à la porte du mois de Ramadan, c'est comment devons-nous nous préparer pour jeûner ce mois et comment devons-nous accueillir le mois de Ramadan. Beaucoup parmi les maisons musulmanes se préparent en réunissant de la nourriture et des boissons. Et ils pensent que comme cela, ils vont réussir le jeûne du mois de Ramadan. Et cela, sans aucun doute, est une conception erronée de la grande valeur de ce mois béni. La première chose que nous devons faire pour nous préparer à jeûner ce mois est d'avoir une bonne intention. D'avoir une bonne intention et d'être déterminé quant à la réussite du jeûne durant ce mois. Dis-toi en toi-même, je vais faire des efforts et je vais réussir ce jeûne et le jeûner bien mieux que l'année passée. Ne jeûne pas par habitude ou ne jeûne pas pour qu'on ne dise pas de toi que tu ne jeûnes pas. Ne jeûne pas par ostentation, non. Mais jeûne à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Car le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les actes ne valent que par les intentions. » Et chacun sera rétribué selon son intention. Allah dit dans le Coran, ceux qui font des efforts dans notre chemin, nous les guiderons dans nos sentiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, par cela Allah éloignera son visage du feu de l'enfer pendant 70 ans. Pendant 70 automnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pas par habitude, pas parce que tu as vu tes parents jeûner, non. Mais à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, avant de rentrer dans le mois de Ramadan, c'est le repentir sincère. Le fait de purifier nos cœurs de tous ces manquements, de tous ces péchés. De purifier nos membres, nos langues, de l'ensemble des désobéissances commises envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah rattachait le bonheur et la réussite dans ce bas monde au repentir en nous disant « Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Donc n'entre pas dans ce mois alourdi par tes péchés. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ensemble de tes péchés, tout comme le faisait le meilleur des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car je me repens à lui 100 fois par jour. 100 fois par jour. Comment est-ce que tu comptes tirer profit du mois de Ramadan si ton cœur est sali par les péchés? Troisièmement, nous devons accueillir le mois de Ramadan et nous y préparer en invoquant Allah de nous permettre de l'atteindre. Et cela en bonne santé. Nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher l'aide auprès de lui. Car il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah. Et il nous ordonne dans le livre de l'invoquer. Il nous dit dans Sourate al-Fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Dans ce verset, les savants ont dit qu'Allah nous a cité l'adoration qui est le but de l'adoration. Puis, le but de la création, pardon. Puis il nous a cité la demande d'aide, car personne ne pourra adorer Allah si ce n'est après avoir reçu son aide, subhanahu wa ta'ala. Le point suivant est muhasabatun nafs. Nous devons faire les comptes et regarder ce que nous avons accompli cette année comme action. Chaque personne doit se demander ce qu'elle a accompli cette année comme bonne chose et comme mauvaise chose, afin de ne pas échouer durant ce mois et afin de pouvoir se corriger avant la venue de ce mois et de ne pas mourir avant d'avoir demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ensemble de nos péchés. Allah dit dans le Coran, vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, certes il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le cinquième point est le fait d'apprendre notre religion. Et ici particulièrement, les annulatifs du jeûne, les conditions d'obligation du jeûne et tout ce qui a rapport avec cela. Donc la connaissance des règles concernant le jeûne du mois de Ramadan a la plus grande importance. Aussi, les gens qui n'ont pas fini de rattraper leur jour de jeûne, ils doivent les faire avant la venue du mois de Ramadan. Et souvent, on reçoit comme question, je n'ai pas jeûné, je n'ai pas fini de rattraper les jours de Ramadan, comment est-ce que je dois faire? J'étais enceinte l'année passée, comment est-ce que je dois faire? J'allaite, comment est-ce que je dois faire? Donc la personne doit apprendre les règles du mois de Ramadan. Un point très important est le fait de connaître les bienfaits. Le fait de connaître les bienfaits du mois de Ramadan, par exemple, le prophète sallam nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense chez Allah, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir quant à la récompense d'Allah, il se verra l'ensemble de ses péchés passés. Donc le fait d'étudier les mérites et les bienfaits du mois de Ramadan est une des plus grandes causes pour réussir le jeûne durant ce mois. Le sixième point, le fait de corriger nos cœurs et de purifier nos cœurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, s'il est saint, l'ensemble du corps le sera. Et s'il est corrompu et mauvais, l'ensemble du corps le sera. Ce morceau de chair est le cœur. Et le dernier point qu'on cite, qui est un point, malheureusement, beaucoup en sont distraits. Beaucoup n'y prêtent pas attention ou ne considèrent pas ce point-là important. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela a la plus grande importance. Ce point est le fait de demander pardon à ceux envers qui tu as commis quelconque injustice. Le fait de demander pardon à tes frères. Le fait de réaliser la fraternité comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans le Coran. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné dans la sunna en disant وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Et soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères. Et Allah dit dans le Coran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً. Et Allah nous ordonne dans le Coran de demander pardon pour nos fautes et de nous excuser. Et on trouve des gens qui, depuis le Ramadan passé, ne parlent pas à leurs frères. Et on trouve des gens qui viennent à la mosquée pour adorer le même Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont le même prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, le même livre Al-Qur'an Al-Karim, la même Qibla Al-Ka'ba, et malgré ça, lorsqu'ils rentrent dans la mosquée, ils ne se saluent pas, ils ne se parlent pas, et leurs cœurs sont remplis d'inimité l'un envers l'autre. Et ces gens-là pensent-ils qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les aider dans ce mois? Sache que si tu ne parles pas à ton frère depuis un an, tu rentres dans un hadith comprenant la plus grande menace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man hajara akha sana faka'annahu safaka dama » Celui qui ne parle pas à son frère pendant un an, c'est comme s'il avait fait couler son sang. Subhanallah. C'est comme s'il avait fait couler son sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il n'est pas permis à un musulman de se détourner de son frère plus de 3 jours. » Si tu as un problème avec quelqu'un, tu n'as pas le droit de ne pas le saluer et de ne pas être en contact avec lui plus de 3 jours. Donc où sont ceux qui se sont disputés? Voici une occasion de demander pardon et de corriger nos fautes. Donc ne sois pas orgueilleux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le meilleur des deux qui sont en dispute est celui qui commence à passer le salut, à passer le salam, celui qui revient vers son frère, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera. » Car il nous dit, celui qui se rabaisse, le prophète sallam nous dit, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élèvera. Celui qui se rabaisse pour Allah, celui qui est modeste et humble pour Allah, Allah l'élèvera. Et le fait de t'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un acte de faiblesse, mais c'est un acte de puissance et de force. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.